Mes rêves, je les connais, mes cauchemars, je les coffrais. Mais y'a des fois, tu contrôles pas ta vie et y'a des gros frais. Dans ce cas, tu comptes pas sur ton compte, car c'est pas ça qui te comble. Et quand une personne qui comptait veut m'écraser comme King Kong, je reste sur mes gardes, je reste droit, évitant les petits ponts. Quand je vois que la fille que j'aimais m'a largué comme un petit con, je me dis que c'est le compte d'un artiste qui disait jamais je me trompe. Les gens frais sont en petit nombre, je demande même pas l'addition. Prends pas la vie comme une altère, elle bougera pas d'un centimètre. J'ai compris que nos esprits sont légers, je me suis même pas senti net. Quand je raconte ma vie, je raconte un morceau, toi en fait. Les gens trahissent des gens alors qu'humanité seule enseigne. Dis dans un conflit, t'as le sentiment d'être le seul en sang. Sache que le silence de tes souffrances peut les réduire en cendres. Moi je me construis, mais c'est avec ses blessures, c'est sûr. Elle nous donne la force, alors exploitons nos coutures. Enfermé dans une prison de fer, c'est ça l'affaire. Comment puis-je me sentir libre dans cet univers? Loin de la famille, loin des frères. Comment quitter cette guerre perpétuelle que je me crée contre moi-même? Enfermé dans une prison de fer, c'est ça l'affaire. Comment puis-je me sentir libre dans cet univers? Loin de la famille, loin des frères. Comment quitter cette guerre perpétuelle que je me crée contre moi-même? Ni poisson, ni pêcheur, mais par contre j'ai pêché le poison dans l'hameçon de l'homme. M'a souvent piégé, je suis un puzzle qui cherche à être reconnu sans arrêt, mais c'est dur parce que je sais qu'il me manque des pièces. Mon arme rapproche de l'homme et m'écarte à la fois. Tu apportes-moi une loupe pour voir les choses en face. J'ai des textures pures, dont tu sens la texture. Des blessures, des fractures dont je paye en larmes la facture. Ce qui est sûr, c'est que des questions je m'en pose tous les jours. La vie me laisse des séquelles sur le cœur et non sur la joue. Le destin m'a ouvert le chemin à la manière de Moïse. Donc j'avancerai, j'avance tant que mes mots vivent. On dit que l'enfer c'est les autres, mais le paradis aussi. J'ai compris qu'faut s'entourer de ceux qui te trahissent. Jamais, c'est ça, m'amène s'entourer de sa famille, sa mère, ses frères et ceux, même si c'est la merde. Enfermé dans une prison de fer, c'est ça l'affaire. Comment puis-je me sentir libre dans cet univers? Loin de la famille, loin des frères. Comment quitter cette guerre perpétuelle que je me crée contre moi-même? Enfermé dans une prison de fer, c'est ça l'affaire. Comment puis-je me sentir libre dans cet univers? Loin de la famille, loin des frères. Comment quitter cette guerre perpétuelle que je me crée contre moi-même? Parfois mes moments enterrent, parfois le mal m'attire. Mais bon, c'est éphémère, je retrouve toujours mon éthique. Et puis j'ai toujours en tête une nouvelle thématique. Même si des choses m'ont sali, à chaque fois je m'en applique. J'ai tout donné à la musique, parfois elle me prend tout, du temps et de l'esprit. Elle me tresse même comme un toutou. Mais bon, je suis consentant, c'est elle mon plus gros remède. Grâce à elle, je me remets des événements les plus laids. J'ai grandi grâce à mes écrits, mes plus grands cris. La plume et mon micro sont les fruits de ce que je vis. J'invente dans la manière, mais jamais dans le fond. Je retranscris bien et mal d'une terre que nous faisons. Croix de bras, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Chacun sa croix, donc normal, je présente juste les faits. Je casse les 10 sons à tous ceux qui se sentent un peu perdus au fond. Y'a toujours une issue sous les décombres. Enfermé dans une prison de fer, c'est ça l'affaire. Comment puis-je me sentir libre dans cet univers? Loin de la famille, loin des frères. Comment quitter cette guerre perpétuelle que je me crée contre moi-même? Enfermé dans une prison de fer, c'est ça l'affaire. Comment puis-je me sentir libre dans cet univers? Loin de la famille, loin des frères. Comment quitter cette guerre perpétuelle que je me crée contre moi-même? Ok. Une prison de fer, poteau.